De la Bébélière à Mère Marie de Gonzague le 14 octobre 1896. Ce merveilleux, ma révérende mère, la chère mère Agnès de Jésus en vous remettant sa charge vous a aussi laissé son cœur car je retrouve, le sien, dans le vôtre. Merci, ma bonne mère, du secours que vous m'avez prêté dans un moment de détresse. La tempête a passé, le calme est revenu et le pauvre soldat est redevenu le séminariste d'autrefois, et, vive Dieu ma mère, car la lutte fortifie et éclaire, aujourd'hui donc, je suis heureux, du bonheur de Dieu, merci à vous, merci à ma chère petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne la connais point, mais je lui dis, à revoir là-haut, où je viendrai au-devant d'elle, avec les âmes qu'elle m'aura fait sauver. En ce moment se décide pour moi la question directe de ma vocation. Dois-je être prêtre dans le ministère ordinaire, ou prêtre missionnaire? Mon directeur m'a autorisé à me faire agréer par Monsieur le supérieur des missions étrangères au nombre des aspirants. J'espère donc que le bon maître va faire pencher la balance de ce côté. Dès que cette bonne nouvelle sera certainement établie, je vous la ferai parvenir, ma mère, ainsi qu'à ma sœur Thérèse. Qu'elle prie et se réjouisse avec moi et sauve les âmes avec moi, pauvre ouvrier, et vous-même, ma bonne mère, s'il vous reste une prière à placer, veuillez vous souvenir une fois encore, pour la lui appliquer, du pauvre soldat que vous avez fortifié et du séminariste qui veut la gloire de Dieu en travaillant pour lui, je demeure, ma révérende mère, votre fils très respectueusement soumis et dévoué, Maurice Barthélemy Bélière, élève du grand séminaire de Bayeux, Sommervieux, l'abbé Maurice Barthélemy Bélière, Sommervieux, gloire à Sainte Thérèse. Il y aura demain un an que le Seigneur m'a uni par la charité à ma sœur Thérèse, c'est demain sa fête en même temps que celle de votre sainte patronne, et à moins d'empêchements sérieux, je ferai la sainte communion pour elle, pour vous, et votre communauté, union de prière. Marc Emdan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.